même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Après la guerre ou à la place de la guerre, monsieur. Voilà. Est-ce qu'on fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas et puis, Le traité de Versailles, c'était après la guerre. Le traité des Nations Unies, l'ASDN, c'était après la guerre. La Nations Unies, c'était après la guerre. Et là, il vaudrait mieux que ça soit à la place de la guerre qu'après la guerre. Vous rappelez, Daniel, qu'on a évoqué tout ça à cette table, hein, qui ouvre des yeux comme ça. Deuxièmement. Attali n'est pas un membre de mon parti quand il dit ça. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne, ne pourra s'y opposer. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Quand je rentre du boulot, je me jette sur le frigo pour attraper une canette qui devrait le faire tourner la tête. Je boirai toute la soirée. Sortez de la matrice. Réveillez-vous. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Cassez vos postes de télévision. C'est un ordre. Personne ne pourra s'y opposer. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Cassez vos postes de télévision, c'est un ordre. Un Jérusalem devenant capitale de la planète. Révolution. Quand je vois ces imposteurs polluer mon téléviseur, il me met à doser. Ça y est. Personne ne pourra s'y opposer. Je vomis sur ces grands pourris. Personne ne pourra s'y opposer. Sortez de la matrice. Est-ce qu'on fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas et... Cassez vos postes de télévision. C'est un ordre. Le traité de Versailles, c'était après la guerre. Le traité des Nations Unies, là. Personne ne pourra s'y opposer. Pour éviter de dégueuler sur ces enfoirés. Après la guerre ou à la place de la guerre. Sortez de la matrice. Réveillez-vous. Jérusalem devenant capitale de la planète. Cassez vos postes de télévision. C'est un ordre. Personne ne pourra s'y opposer. La morale de ma chanson, c'est que la télé c'est trop con. C'est pour cela que je bois de la bière à bon marché. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Pour vomir, pour gerber, pour vomir sur tout cet arrêt. Personne ne pourra s'y opposer. Sortez de la matrice. Est-ce qu'on fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas et... Cassez vos postes de télévision, c'est un ordre. Là, il faudrait mieux que ce soit à la place de la guerre qu'après la guerre. Révolution. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Ferme-la, non mais si c'est pour me vomir des bêtises, ferme-la. Le mondialisme est un projet de violence et de domination, favorable aux oligarchies et systématiquement défavorable au peuple. Voilà.